Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans cette dernière édition du Journal Parlé en français pour cette soirée du 15 novembre 2018. Voici les grands titres. L'Assemblée nationale a adopté ce jeudi un projet de loi portant ratification du protocole de la communauté est-africaine sur la paix et la sécurité. Il inclut l'assistance mutuelle en matière criminelle. Vous aurez les précisions de notre reporter qui a suivi les questions orales des députés au ministre Alain-Guillaume Wignoni. Le Conseil national de la communication a entamé ce jeudi une campagne de sensibilisation des autorités sur deux textes importants régissant le journalisme. Il s'agit d'amener ces administratifs à plus de collaboration avec les organes de presse, nous dira Nestor Wangomukunzi. Les états généraux de l'assurance ont été ouverts ce jeudi en Ngozi par le deuxième vice-président de la République qui a promis le soutien du gouvernement surtout en termes du respect du cadre organique de ce secteur. Et dans la chronique Justice à la fin de ce journal, nous vous parlons du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux tels que réglementés par le Code des personnes et de la famille. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir. Deux corps humains ont été déjà repêchés dans la rivière Gweru depuis ce lundi. Selon les informations postées sur le compte Twitter de la police du Burundi et confirmées par le porte-parole du ministère de la Sécurité, le premier corps a été repêché ce lundi, le deuxième ce mercredi. Il s'agit tous des hommes. Pierre Ngurikiye précise que ces corps se sont déversés dans le lac Gweru en provenance de la rivière Akagera du Rwanda. Il indique que ces corps présentaient des blessures et qu'ils ont été enterrés. Je venais de vous le dire dans les titres, l'Assemblée nationale a voté ce jeudi le projet de loi portant ratification par la République du Burundi du protocole de la communauté est-africaine sur la paix et la sécurité. Entre autres éléments contenus dans l'exposé des motifs, les États membres de la communauté de Burundi conviennent d'améliorer leur coopération dans les domaines de la lutte contre la criminalité internationale, de l'assistance mutuelle en matière criminelle, y compris l'arrestation et l'extradition des délinquants fugitifs. Le ministre de la Sécurité publique, qui était l'invité de la Chambre basse du Parlement, y voit une valeur ajoutée pour la sécurité du pays. Les précisions de Léonce Vitalio. Devant les députés de l'Assemblée nationale, le ministre Alain-Guillaume Wignoni affirmait que ce projet de loi est une valeur ajoutée pour le Burundi. Des pays de la région qui hébergeraient ceux qui ont commis des crimes au Burundi n'auront plus de prétexte, ils devraient les extrader. On dirait alors qu'il y a beaucoup d'avantages. Du moment qu'il y a certains pays qui hébergent déjà, qui nous ont fait du mal. Et ces pays pourront avoir des prétextes comme quoi on n'a pas encore signé ce protocole pour ne pas les extrader. Quand on aura signé, ces pays vont les extrader ou accepter d'avoir violé la loi, mais n'auront plus de prétextes. Le député Jean Bosco Buhungu se montre moins rassuré de l'applicabilité de ce protocole une fois ratifié par le Burundi. C'est au moment où la constitution actuelle ne permet pas qu'il y ait un Burundais qui soit extradé pour être jugé à l'étranger. Ce qu'il appelle « clause de réciprocité en matière de relations internationales ». Cela dit que n'importe quel pays membre de l'EAC peut faire de même pour son ressortissant. Alors, on peut se demander si un criminel commet un forfait dans un autre pays, arrivé au Burundi, il ne va pas s'inquiéter. Que sera alors l'avantage de ce protocole ? Le ministre Wignoni ne le voit pas ainsi. Il déclare que les pays qui n'accepteraient pas d'extrader des personnes accusées de criminalité chez des pays voisins, ce serait simplement la violation de la loi. Chaque pays doit respecter ce protocole en ce qui concerne l'extradition des prisonniers, des malfaiteurs, selon qu'ils se déplacent d'un pays à un autre. Ne pas le faire, c'est violer le protocole. Le projet de loi portant protocole de la communauté est-africaine sur la paix et la sécurité n'a pas soulevé beaucoup de discussions. Il a été voté à 100% par les députés. Léonce Vitalio, deux textes, celui régissant le Conseil national de la communication et celui régissant la presse au Burundi, ont été vulgarisés ce jeudi dans différentes provinces du pays. Le président du CNC fait savoir que ces textes régissant le métier de journalisme doivent être maîtrisés par tous les concernés, y compris les administratifs, pour que la collaboration soit renforcée. Nestor Wangomukunzi a ainsi appelé les différentes autorités à être disponibles pour les organes de presse, tout en évitant le favoritisme. On l'écoute. Nous avons fait rencontrer les principaux partenaires des médias, à savoir l'administration du territoire, les commissaires de police, les responsables des services judiciaires. Cela dans l'objectif de renforcer ce partenariat qui existe et qui doit exister entre ces différents secteurs parce que nous avons constaté que, au regard de ce qui s'est passé les années passées, en 2014 et 2015, il y avait un certain désordre, si bien qu'il s'en est suivi une sorte de méfiance entre les médias, les journalistes et les responsables de l'administration publique. Nous avions donc l'objectif de faire rencontrer ces différents secteurs pour renforcer un bon climat de collaboration entre les différents secteurs. Et nous espérons que cela aura permis de remettre les gens ensemble pour que nous puissions aborder la sensible période électorale en étant suffisamment outillés pour pouvoir travailler dans le respect de la loi, pour pouvoir travailler dans un climat de confiance mutuelle entre les médias et les différents secteurs de l'administration. S'il y a l'une ou l'autre personne qui n'a pas encore compris que les médias courent pour l'intérêt général, aussi longtemps qu'ils travaillent dans le respect de la loi, pour ceux-là qui n'ont pas encore compris que ce climat de confiance est bénéfique pour le pays en général, je leur demanderai de rectifier l'angle de tir. Mais côté médias, côté journalistes, il faudrait aussi avoir confiance envers ces responsables publics en évitant de généraliser. Et s'il arrive qu'il y ait l'un ou l'autre cas non souhaitable, qu'on ne part pas de là pour généraliser que le climat de collaboration est mauvais. Nestor Wangomukunzi, c'est le président du Conseil national de la communication. Et le secteur des assurances au Burundi connaît beaucoup de difficultés dont le faible taux de pénétration. C'est ce qu'a dit Trinitas Girukishaka. Elle est présidente de l'Association des assureurs du Burundi. Et elle s'est exprimée lors de l'ouverture en province Ngozi des états généraux sur l'assurance au Burundi. C'était ce jeudi. Le ministre des Finances, Domitien Diokougayo, affirme que ce secteur occupe une place importante dans le développement du pays. Quant au deuxième vice-président de la République, Joseph Boutoré, il rassure que le gouvernement reste engagé à faire respecter les lois régissant le secteur de l'assurance. Elinibel Niwigira. À côté de ce faible taux de pénétration dans le secteur des assurances, il y a également le fait que la majorité des assurances au Burundi est automobile, ce qui ne facilite pas les assureurs en cas de multiplication des accidents. De plus, selon toujours Trinitas Girukushaka, présidente de l'Association des assurances au Burundi et directeur général de la SOCABU, il y a des réformes légales non encore affinées et finalisées. Et cette présidente de l'Assure attend de ces états généraux des mesures qui permettront la croissance du chiffre d'affaires dans le secteur d'assurance jusqu'en 2022. En outre, elle espère que les partenaires, tant privés que publics, seront sensibilisés sur le rôle des assurances dans le développement du pays. Le ministre des Finances, Domitien Diokougayo, parle d'une place importante qu'occupent ces assurances dans le développement du pays, raison pour laquelle le secteur des assurances est considéré pour le programme national de développement 2018-2022, qui suggère cependant que ces assurances développent l'assurance agricole au Burundi. Quant au deuxième vice-président de la République, Joseph Boutole, qui a ouvert ses états généraux ce jeudi, il a dit que les assurances permettent aux chômeurs de se procurer du travail et rassure que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que les lois régissant les sociétés d'assurance au Burundi soient respectées. À côté du deuxième vice-président de la République, l'ouverture de ces états généraux a vu la participation de trois ministres, celui des Finances, celui de la Justice, Aimé Laurentine Kanyana, ainsi que celui des Droits de l'Homme, Martin Nivyabandi. Le Burundi compte, oui, compagnie d'assurance générale jusqu'aujourd'hui. Depuis la commune Mumba en province Ngozi, Eli Nibel Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Eli Nibel Nibigira. Un rectificatif pour poursuivre l'actualité. Il s'agit du plan national de développement qui va de 2018 et jusqu'à 2027 et non de programme national de développement qui va de 2018 à 2022 comme vous venez de l'entendre dans ce reportage. Également dans l'actualité, les activités de la semaine santé mère-enfant ont contribué à la diminution et à l'élimination de certaines maladies comme la rougeole et les parasitoses intestinales. C'est Dr Olivier Nijimbere qui le dit. Il est directeur du programme élargi de vaccination. Déclaration faite au cours d'un atelier média ce jeudi, il ajoute qu'il s'observe néanmoins des groupes d'individus qui ne se présentent pas dans ces activités, comme les adeptes de Zébi et ceux dits Abasohoke. Il demande à toutes les parties prenantes de conjuguer leurs efforts pour sensibiliser les parents sur les bienfaits de la vaccination. C'est au moment où il est prévu du 20 au 23 de ce mois les activités de la Semaine Santé Mère-Enfant, deuxième édition de 2018. Suivez. Il s'agit d'abord de rattraper tous les enfants de 18 à 23 mois qui ont raté leur rendez-vous pour recevoir la deuxième dose du vaccin combiné anti-rougeole, anti-rubéole et la quatrième dose du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Il s'agira aussi de supplémenter en vitamine A tous les enfants âgés de 6 à 59 mois. Il s'agira aussi de déparasiter à l'albendazole tous les enfants âgés de 1 à 14 ans et les femmes enceintes au deuxième et troisième trimestre de grossesse. Il s'agira aussi de déparasiter au praziquantel tous les enfants âgés de 5 à 14 ans au niveau des centres de santé et autres sites. Tandis que le praziquantel sera aussi administré au niveau des écoles et c'est une communication qui sera aussi offerte après la semaine santé mère enfant. Et le gouvernement de la République du Burundi organise depuis l'an 2002 deux passages de la semaine santé mère enfant. Selon les données qui sont à notre disposition, nous pouvons par exemple, à titre illustratif, dire que c'est une plateforme qui contribue à la réduction de la morbidité et de la mortalité liée à certaines maladies comme la rougeole qui faisait beaucoup de décès dans le temps, mais aujourd'hui nous évoluons vers l'élimination de la rougeole. Il y a d'autres maladies aussi qui ont disparu comme les parasitoses intestinales. Et le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a organisé une analyse équitée dans la dispensation des services de vaccination. Et selon les résultats provisoires, il est ressorti qu'effectivement, il y a des groupes qui résistent encore à la vaccination et d'autres groupes qui négligent la vaccination, notamment les adeptes de Zebi. Il y a d'autres groupes dits Abasohoke et la communauté Batwa aussi qui, dans certains coins du pays, négligent la vaccination. Et nous demandons alors à toutes les parties prêtes, en l'occurrence les responsables administratifs et vous les médias et tous les secteurs concernés pour que nous puissions conjuguer nos efforts afin que tous ces groupes puissent aussi adhérer à la vaccination et aux services préventifs. Docteur Olivier Nijimbere, directeur du programme élargi de vaccination. Vont démobiliser handicapés sur le champ de bataille, seulement parmi les plus de 5000 que compte la province de Bouvanza sont pris en charge par l'État. Les représentants dans cette province expliquent que ceux qui sont pris en charge ont été choisis selon les moyens dont dispose l'État et selon leur degré d'handicap. Les autres démobilisés réclament aussi une aide de la part du gouvernement et voudraient également que la journée nationale dédiée aux combattants soit réorganisée de façon inclusive. Spes Caritas Kabanyana, notre correspondante, a visité le site de Gifuroué où ils habitent. Dans ce site construit pour les démobiliser sur la colline Gifugwe, sous colline Bihinda 2, dans la commune de Manda, on y trouve 20 maisons construites pour 17 anciens militaires de l'armée burundaise et 3 d'autres démobilisés, tous handicapés suite à la guerre, comme ils le disent. Ces 20 familles vivent dans ce site depuis bientôt 4 ans. Ces 20 familles bénéficient d'une ration pendant 3 mois composée de 100 kg de haricots, 100 kg de riz, du charbon, de l'huile, du sucre, du sel et autres. Des autres 5648 démobilisés, dont 78 anciens militaires de l'armée burundaise, vivent dans leur ménage dans les différentes collines de la province et ne sont pas pris en charge selon Emmanuel Nahondereye, représentant les démobilisés dans la province de Bubanza. Ces démobilisés non pris en charge crient à la pauvreté et demandent à l'État de les aider et aussi. Un démobilisé du FNL rencontré à Moussegni dans la même commune de Manda a également déploré le fait que la journée dédiée aux combattants semble être du CNDD-FDD seulement et demande qu'elle soit une journée inclusive. Les anciens combattants du côté du CNDD-FDD que nous avons approchés nous ont signifié que personne n'empêche les autres démobilisés à participer à cette fête dédiée aux combattants. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes. Et d'après Aloïse Batungwanayo, expert en justice transitionnelle, le gouvernement du Burundi peut initier à travers les deux chambres du Parlement une loi régissant le statut du combattant en vue de promouvoir la mémoire collective. C'est au moment où le parti CNDD-FDD commémore depuis ce lundi la semaine dédiée aux combattants. Selon cet expert, commémorer est un droit à chaque organisation, qu'elle soit politique, de la société civile ou une institution. Suivez Aloïse Batungwanayo. Toute personne,